Bon ben, Coco, nous voilà mariés. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On va faire comment Bisous, mon petit Gégé. Chou-chou. Bye-bye. Nous voilà mariés. Pour l'éternité. Plus jamais se lâcher. J'arrive chez toi tout de suite. Prépare-moi un bon plat. J'arrive chez toi tout de suite. Prépare le repas. Thank you. fatigue de sang. Thank you. Thank you.